pourquoi supprimer le droit du sol à Mayotte ? Depuis le XIXe siècle, le droit français de la nationalité repose sur la combinaison du droit du sol, naissance sur le sol français, et du droit du sang, avoir un ou deux parents français. Depuis quelques années, des voix s'élèvent pour demander la suppression du droit du sol dans l'archipel de Mayotte, devenu le 101e département français en 2009 et qui est aujourd'hui le plus pauvre de France. Cette proposition a été dénoncée par la gauche car elle empêcherait le plein accès à la citoyenneté des enfants nés de parents étrangers, ce qui est contraire aux grands principes du droit républicain. Pour comprendre les enjeux de cette polémique, il faut commencer par rappeler l'histoire de Mayotte, située entre Madagascar et la côte du Mozambique. S'il est vrai que près de la moitié des 400 000 habitants de ce département sont juridiquement des étrangers, la grande majorité d'entre eux sont comoriens. Ils ont été différenciés les uns des autres par la barrière de la nationalité il y a moins d'un demi-siècle, mais ils partagent une longue histoire commune. L'archipel des Comores, progressivement islamisé dès le début du Moyen Âge, est entré en contact avec les Européens au XVIe siècle. Ces îles, qui occupaient une position stratégique sur les routes commerciales reliant l'Europe à l'Orient, ont connu alors une réelle prospérité, mais sont passées peu à peu sous la coupe des Européens. Lors du traité de Vienne, en 1815, les Britanniques acceptèrent que l'archipel des Comores soit intégré au sein de l'Empire colonial français. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, toutes ces îles furent conjointement associées au processus de décolonisation. Pourtant, lors de la consultation organisée en décembre 1974 sur la question de l'indépendance, au lieu de proposer un référendum unique pour les habitants de toutes ces îles, le gouvernement français décida que chacune d'entre elles voterait séparément, ouvrant ainsi la voie à une partition de l'archipel. Plus de 90% des personnes consultées se prononcèrent en faveur de l'indépendance, mais Mayotte se singularisa en choisissant de rester au sein de la République française. Ce choix fut ensuite constamment confirmé jusqu'au référendum sur la départementalisation de Mayotte en 2009, qui scella son inclusion administrative à la France. En introduisant la rigueur du droit métropolitain au sein de la population comorienne, un premier clivage entre comoriens français et comoriens étrangers a donc été institutionnalisé. Ce clivage fut renforcé au cours des années 1990 quand les autorités métropolitaines supprimèrent la liberté de circulation entre les îles de l'archipel. Un coup d'arrêt fut ainsi porté à des pratiques ancestrales, puisque depuis des siècles, les Comoriens avaient l'habitude de se déplacer d'une île à l'autre pour des raisons économiques, mais aussi pour rendre visite à des amis ou à leur famille. Si elle était adoptée, la suppression du droit du sol à Mayotte viendrait ajouter une nouvelle séparation au sein de la population comorienne sans aboutir aux résultats escomptés, car l'histoire montre que les réformes du code de la nationalité n'ont jamais permis de résoudre les problèmes économiques et sociaux de notre société.